Alors, bien aimé, je voudrais que ce matin nous réalisions à quel point la joie, la vie que Jésus veut nous donner est une vie de joie, une vie de joie extraordinaire. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe pour les apôtres ce matin. Alors, il faut imaginer la scène. Vous voyez, Pierre est là avec Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Il y a, si je ne me trompe pas, il y a Thomas, le fameux Thomas, vous savez, qui incrédule. Et puis, il y a Nathanaël, celui qu'on appelle aussi Barthélemy, qui vient de Cana, en Galilée, qui a certainement assisté au miracle de Cana. Et puis, ils sont là, tous ces apôtres. Il y a deux autres disciples, on ne connaît pas les noms, mais probablement, ils font partie du groupe des apôtres. Et ils ont quitté Jérusalem, ils sont en Galilée, comme Jésus le leur avait indiqué, vous vous souvenez, qu'il avait demandé aux femmes de dire, à Marie-Madeleine, de dire aux disciples, « Allez en Galilée, c'est là que vous le verrez. » Donc ils sont en Galilée, ils sont revenus chez eux, ils sont probablement près de Capharnaüm, sur les bords du lac. Bon, et alors c'est le soir tombe, et ils sont là, ils se disent, « Mais où est Jésus? Que fait-il? On l'attend. » Il nous a dit de le retrouver en Galilée. « Que fait-il ?» Et qu'à cela ne tienne, Saint-Pierre, qui est déjà saint, dit à ses confrères, il leur dit, ben voilà, je vais à la pêche. Alors, vous voyez, ça c'est très important de comprendre. Saint-Pierre, ils auraient pu attendre, se tourner les pouces, hein, prendre leur grande serviette, se mettre sur la plage, et attendre, comme on fait tout l'été ici, attendre je ne sais quoi, que le soleil descende du ciel, on attend, voilà, on bronze, on ne fait rien. Et vous voyez, ils auraient pu passer leur journée à faire ça. Quelle horreur! Notre vie n'est pas faite pour ça, hein, frères et sœurs, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut bien se délasser de temps en temps, se reposer, mais alors attention, passer sa vie à crêper comme je ne sais quoi sur la plage, ça ne sert à rien, attention, hein, on perd son temps. Vous voyez ce que Jésus, ce que les apôtres font? Ils ne font pas ça. Ils se disent, allez, on va à la pêche. On va se mettre en action, on va faire quelque chose. En attendant, on va faire quelque chose, on va aller à la pêche, on va retrouver notre vie d'avant. Alors probablement aussi qu'il y a un peu de nostalgie de la vie ancienne. Mais voyez, les apôtres, ils ont ces vertus humaines. Ils se mettent en action. Ils ne sont pas là à attendre à ne rien faire. Ils se disent, il faut agir. Allez, on va à la pêche. Et donc, il va à la pêche et les autres disciples suivent. Nous allons avec toi, allez. On ne va pas rien faire, au moins on va servir à quelque chose, on va prendre du poisson. Et puis ils passent toute la nuit à chercher du poisson dans la mer de Galilée, qu'ils connaissent par cœur pourtant, ils savent exactement où trouver les bancs de poisson, ils jettent les filets là où le poisson se trouve, très certainement, et pourtant ils ne prennent rien. Une fois, deux fois, ils jettent les filets à gauche, à droite, dans tous les sens, ils passent leur nuit à ne rien prendre. Et pourtant ils agissent. Il se dit, mais c'est pas possible, on n'a jamais vu ça, on connaît quand même le lac de Galilée. Nous sommes des professionnels de la pêche. Ils ne prennent rien. Alors ça a dû les interpeller, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est la première fois que ça nous arrive. Et donc, au petit matin, ils voient cet homme se promener sur le long de la plage, à quelques encablures. Ils le voient, c'est le Seigneur, ils ne le savent pas à ce moment-là. Et Jésus, qui est là, leur demande, « Auriez-vous quelque chose à manger ?» Pensez-vous que Jésus sache qu'il n'avait rien? Bien sûr, il le sait très bien. Il sait très bien que les disciples ont passé, c'est la première fois de leur vie, toute la nuit, à pêcher sans rien prendre. Tout ça est prévu par le plan de Dieu. Et Jésus se dit, « Ça y est, je vais leur montrer la puissance de Dieu et regardez ce qui se passe. » Ils lui répondent, « Bien sûr, nous n'avons rien. » Non. Laisse-nous tranquille, on n'a rien à manger, c'est bon. Eh bien Jésus leur dit, jetez maintenant le filet à droite de la barque. Frères et sœurs, cette phrase est très importante. Jésus leur dit, jetez le filet à droite. La droite, vous savez, c'est le côté divin. Hein? Le côté droit, c'est le côté sacré, le côté divin, le côté qu'on offre à Dieu. Vous savez qu'on sanctifiait toujours le côté droit des prêtres, on les trempait dans le sang, etc. Côté droit, le côté droit du temple, etc. Vous connaissez tout ça. Donc, jetez-le à droite. Ça veut dire quoi? Et les disciples certainement le comprennent. Faites avec Dieu, maintenant. Vous avez voulu agir par vous-même. Très bien. Vous avez de la vertu, c'est très bien, c'est humain, et c'est formidable. Et il faut avoir cette vertu si vous voulez pouvoir voir l'œuvre de Dieu. Maintenant, vous allez voir l'œuvre de Dieu, jetée à droite, côté divin. Les apôtres s'exécutent. Pourquoi ? Pourtant, ils auraient dû dire, ouais, laisse-nous tranquille, on a passé la nuit, maintenant on va rentrer. On sait très bien qu'il n'y a plus de poisson. Ils jettent quand même les filets à droite. Et là, en quelques secondes, ça se met à grouiller dans le filet. Les poissons arrivent, ils entrent dans le filet par centaines. 153, on dit. Alors ils se mettent à remonter le filet, terrible, ils n'arrivent pas à le remonter, la barque s'enfonce tellement il y a de poissons, ce sont des gros poissons, 153 poissons qui font fléchir un bateau, ça devait être des sacrées bêtes. Et alors ils voient tout à fait le miracle, ils constatent tout à fait, il n'y a aucun doute pour eux. Et regardez cette joie qu'ils peuvent avoir dans leur cœur. C'est ça que le Seigneur veut nous dire ce matin. Vous voyez, quand on voit Jésus faire des miracles, c'est très bien. Il guérit les malades, c'est merveilleux. Bien sûr, ça doit remplir de joie ceux qui sont guéris. Et puis les autres tout autour font des hauts et des ah, on est là, oh, c'est merveilleux. Mais regardez là ce qui se passe. Jésus se sert de ces pauvres apôtres. Vous voyez, il leur donne eux-mêmes d'accomplir un miracle. Comprenez, c'est Jésus qui fait le miracle, mais c'est par les mains des apôtres. Et c'est ça qui est merveilleux pour eux. Ça fait partie des premières fois, alors ils l'ont déjà fait. Mais là, ils voient qu'ils jettent le filet, ils ont fait une œuvre avec leurs vertus humaines, avec leur humanité, avec la force que Dieu leur a communiquée. Et ils ont, en faisant confiance à Dieu, ils ont accompli un miracle. Ils ont rempli leur filet de poissons. Et là, vous voyez, ça c'est la joie, la véritable joie que le Christ veut nous donner. C'est la vraie joie, c'est de se dire, voilà, le Seigneur se sert de moi. Non pas comme d'une marionnette, mais il me dit, allez, vas-y, utilise tes talents, utilise ce que tu sais faire, mais vas-y, mets-toi en action, œuvre, fais quelque chose, parle, agis, rends service. Mets tout ce que tu as, tes forces, au service de Dieu. Tu peux le faire par toi-même, en disant « je vais faire des œuvres pour le Seigneur », très bien. Mais fais les œuvres que Dieu te demande. Et si tu ne prends rien pendant une nuit, si tu as l'impression de patauger dans la semoule, comme on dit, de ne rien faire, que ça ne sert à rien, continue, à un moment donné, tu verras. Le Seigneur va venir sur le bord de ton chemin, il va te dire « alors voilà, maintenant fais comme ça, et tu vas voir. » Et tu vas commencer à voir l'œuvre de Dieu. Et là, tu vas voir la joie. Frères et sœurs, je crois qu'il faut que nous réalisions qu'il n'y a pas de plus grande joie dans la vie. Je crois que c'est clair et net. Il n'y a pas de plus grande joie dans la vie que d'agir avec Dieu et de voir Dieu à travers nous faire des merveilles. Vous avez compris qu'à travers ces poissons, bien sûr, il y a toute une prophétie sur ce que vont accomplir les disciples toute leur vie à partir de ce jour-là. Ils vont pêcher des hommes, comme Jésus l'avait déjà annoncé à Pierre, en disant, voilà, tu es pêcheur, je te ferai maintenant pêcheur d'hommes. Et donc, ils vont voir toute la pêche miraculeuse qui commence à partir de ce jour. Ils vont attirer les hommes à Dieu. Ils vont faire des conversions par milliers. Ils vont baptiser par milliers. Et ça va commencer le jour de la Pentecôte. Vous avez entendu, le jour de la Pentecôte, en première lecture, Saint-Pierre, une prédication, 5000 baptêmes. Allez hop, première pêche miraculeuse d'hommes. Voyez, et ça va être ça, leur vie. Alors vous comprenez que quand on a cette joie d'agir pour Dieu, quand on voit Dieu à l'œuvre dans notre vie, et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, mais il faut que ça continue. Mais pour que ça arrive, il faut se mettre au travail. Très souvent, notre problème, c'est que nous nous laissons aller à la paresse. Il faut se mettre au travail. Et tant pis si on en crève. Ou tant mieux, j'ai envie de dire. Attention, Tant mieux si on crève de fatigue, d'épuisement pour le Seigneur, parce qu'alors on crèvera dans la joie. Et il faut, c'est ça qu'on cherche, non? Vous voulez être joyeux, oui ou non? Vous voulez la joie de Dieu? Alors au boulot, on y va, on se lève le matin, allez, on se lève un peu plus tôt pour aller prier, pour demander au Seigneur de nous montrer de quel côté il faut jeter les filets aujourd'hui. Au lieu de se dire, attention, oh là là, je suis fatigué, il faut que je dorme encore un peu plus, etc. Non, allez, on y va. On se met au travail. Et alors le Seigneur nous donnera cette joie et nous verrons, comme les apôtres, l'action de Dieu dans notre vie. C'est à ça que servent les chrétiens, c'est à ça à quoi nous sommes tous appelés, pas seulement les prêtres, mais chacun d'entre nous, puisque vous avez entendu, il y a les apôtres et puis il y a les deux disciples dont on ne connaît pas le nom, c'est vous, c'est moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.